Bonjour à tous chers amis et bienvenue à FrenchPod. Je m'appelle Amaury. Et moi c'est Christella et on est fiers de vous présenter le tout premier podcast de niveau média sur FrenchPod. Excellent, il était temps que nous commencions ce nouveau niveau. C'est avec un grand plaisir que nous allons vous présenter des faits de l'actualité aussi bien française que internationale, des choses qui nous intéressent, nous interpellent, qu'on pense peuvent être intéressantes pour vous aussi ou juste tout simplement amusantes et dont on a envie de parler. Alors qu'avons-nous cette semaine, Christella ? Alors cette semaine, on va parler d'un article qui est paru dans le Journal du Dimanche. Ouais. C'est un hebdomadaire français qui a été créé en 1948. Justement, la particularité de cet hebdomadaire, c'est qu'il paraît seulement le dimanche, d'où son nom. Et il y a un article qui est paru justement le dimanche 19 octobre 2008 oui. Et qui dit que le compte bancaire du président français, Nicolas Sarkozy, a été piraté. Ah là là là là là là. Pauvre Sarko, si vous permettez que je l'appelle comme ça. Notre cher président qui accumule les problèmes ces derniers temps. Exactement. Et là, c'est la goutte d'eau qui va bientôt faire déborder le vase pour lui. Ce qui s'est passé, c'est que des escrocs, en fait, ont réussi à se procurer les coordonnées bancaires de Nicolas Sarkozy. Et ça, on sait pas comment, par contre. Bah, ça a dû se faire sur Internet, à mon avis. L'article dit qu'il est fort possible que c'est en faisant des achats sur Internet. Tu sais, sur Internet, comme tu dois mettre quoi? Tu dois mettre le numéro de ta carte bancaire. Et puis la date d'expiration et le cryptogramme, enfin. En fait, c'est les trois chiffres derrière, trois chiffres de sécurité. Voilà, c'est... ceux qui sont au dos de la carte de crédit. Ouais. Ils ont réussi en fait à intercepter ces coordonnées-là à un moment où Nicolas Sarkozy a dû faire des achats sur Internet. Ouais. Et ben après. Les petits malins l'ont utilisé. Exactement, mais ils ont été malins comme tu dis, donc ils sont pas partis s'acheter une Porsche ou une maison, mais ils ont retiré des petites sommes sur son compte bancaire et donc de fait Nicolas Sarkozy ne s'en pas rendu compte immédiatement. Ouais, parce qu'en fait l'article ne dit pas exactement quand ça a eu lieu. On n'a pas beaucoup de renseignements sur le nombre de retraits qui ont été effectués, le nombre de prélèvements. C'est un peu flou. C'est un peu flou et apparemment c'est parce que le sujet est sensible. Ouais, à mon avis, on voit déjà que la plainte avait été déposée en septembre. Donc c'est les journalistes qui ont dû d'une manière ou d'une autre, intercepter l'information, peut-être par des policiers de la police judiciaire, ou bien de la brigade financière, on sait pas. Ça a été révélé, mais à mon avis... Seulement en mi-octobre. Voilà, un mois après. Donc, le président aurait voulu que ça reste caché, probablement. Tu penses ? Je crois, ouais. On n'en sait rien, ça peut lui faire un joli petit coup de pub. Ça peut aussi faire que les gens vont encore plus sympathiser et se dire « Oh là là, qu'est-ce qui lui arrive au pauvre Sarkozy ? Ah, moi aussi ça m'est arrivé, il y a quelqu'un qui a intercepté. C'est vrai, il y a quelqu'un qui a volé de l'argent sur mon compte bancaire, de la même manière, je sympathise, ça peut arriver à tout le monde. Ouais. » Et puis aussi, ou sinon ça peut faire peur. Il y a des gens qui vont se dire « Oh, c'est pas vrai. » Donc c'est réellement possible que en faisant des achats sur Internet, quelqu'un réussisse à intercepter mes coordonnées bancaires. Mais disons, si c'est arrivé au président, c'est vrai que ça peut arriver à tout le monde. C'est vrai. Et en plus, la situation que tu as décrite est peut-être la plus fréquente, mais dans l'article, ils disent également qu'il y a d'autres façons de prendre, d'intercepter le code bancaire, de se procurer les coordonnées bancaires de quelqu'un. Ils disent par exemple quand on va chez un commerçant. C'est vrai? Si le commerçant ne... Par exemple, si je paye par carte bancaire dans un magasin, n'importe quel magasin? Oui, mais bon, l'énorme majorité des commerçants est digne de foi. Mais évidemment, si tu as affaire à un commerçant qui est malhonnête, il pourrait très bien utiliser tes coordonnées bancaires. Mince. en tout cas, les escrocs qui ont réussi à mettre la main sur les coordonnées bancaires de Nicolas Sarkozy ne sont pas des amateurs puisqu'on n'a toujours pas réussi à les attraper. Ça fait quand même un mois qu'on les recherche. Chapeau, ouais. Il y a beaucoup de gens qui ont été mis sur l'affaire. Il y a la brigade criminelle, la brigade financière. Bref, comme ils disent dans l'article, la crème de la police le judiciaire française. Le gratin de la police. Le gratin de la police qui est là pour essayer de retrouver les malfaiteurs qui s'en sont pris à notre président. Et ce qu'il y a de fou, c'est que ça fait quand même plus d'un mois, en fait. Pour l'instant, ils s'en tirent pas mal. Ils sont peut-être loin, en fait. Ils ont peut-être quitté... Voilà. Ils sont peut-être dans les atolls, on n'en sait rien, ouais. En train d'utiliser la carte bancaire du président français. Parce que bon, et comme on disait, ils ont fait des petits retraits, ça d'accord, mais on ne sait pas combien ils en ont fait. En fait, je pense qu'ils le savent, étant donné qu'ils ont des relevés bancaires, et donc le président doit savoir, et, ouais. Et les personnes qui ont été mises sur l'affaire doivent le savoir aussi. Mais je ne pense pas qu'elles veulent le dire, quoi. Ouais, tout à fait. Parce qu'une petite somme, chacun a son point de vue. Une petite somme, pour certaines personnes, c'est 20 euros. Pour d'autres, c'est 1000 euros. Bien sûr. Donc, donc on ne sait pas. Ils ne sont pas très loquaces là-dessus. Et toi, tu connais personne à qui c'est arrivé? Parce que, je me souviens au début, quand on allait sur Internet, quand tu achats sur internet. Pour les premiers achats, il y avait beaucoup de personnes, et moi aussi d'ailleurs, qui n'étaient pas sécurisées. Je me demandais si vraiment il n'y avait pas de problème. On a entendu des histoires qu'on avait des gens dont on avait utilisé les coordonnées bancaires, mais après il y a eu tellement de gens qui l'ont fait à qui ça n'est pas arrivé. Toi, t'as pas eu vent de... Moi, je connais personne qui s'est retrouvé dans ce genre de situation, personne qui a été arnaqué de cette manière. Honnêtement, moi, à l'âge de 18 ans, dès que j'ai eu ma carte bancaire, paf, c'était parti. Achat sur Internet, c'est bon, je suis libre. J'ai même pas besoin d'aller au magasin, c'est trop pratique. Et jusque maintenant, pas de problème. Jusqu'aujourd'hui, pas de problème. Je touche du bois. Et j'espère qu'il m'arrivera rien. Ouais. Mais en même temps, tu vois, pour revenir à l'article, je me demande si c'est des gens qui ont fait ça. Tout à l'heure, on supposait qu'ils avaient peut-être retiré beaucoup d'argent en fonction, tu vois, des petites sommes. Ça dépend par rapport au montant total, au montant de départ. Mais bon, c'est peut-être des gens aussi qui ont vraiment retiré peu. Et je me demande s'ils ne s'en sont pas pris au président juste pour dire j'ai réussi. Exactement. À pirater le compte bancaire du président. Oui. C'est pour faire une espèce de farce, tu vois, hein. Ou bien justement pour relever une espèce de défi, comme quoi ils ont fait. Ouais, comme quoi ils l'ont fait. Ça, ouais, exactement. Ça, franchement, sur le CV de l'arnaqueur, ça doit le faire. Ça doit le faire, je pense. Respect de toute la profession des escrocs français. Je me demande. C'est pas trop. Ce qui est bien ici, c'est que quand même, on va pouvoir suivre un peu ça. C'est pour, probablement la prochaine leçon Advanced Media. On va pas reparler de la même chose, mais sur le board, on pourra essayer de voir ce qui s'est passé. Moi, personnellement, j'aimerais bien qu'on réussisse à connaître le fin mot de cette histoire. Ouais. Mais je sais pas, en fait, peut-être que l'article veut nous mettre en garde, parce qu'il y a un moment où il est dit dans l'article que les escroqueries et infractions économiques et financières de ce type sont en hausse de près de 9% sur les 12 derniers mois. Donc d'un côté, il parle de ce qui est arrivé au président, d'un côté, c'est une mise en garde. Ils utilisent l'événement, en fait. Peut-être. Pour sensibiliser le public, les lecteurs. Peut-être. Et ils disent aussi à un moment que c'est de plus en plus fréquent sur Internet et que c'est un marché juteux qui rapporte pas mal d'argent. En tout cas... Et c'est la crise, Christelle. Non, on ne parle pas de la crise. C'est la crise en plus. Il n'y a rien qui va. Le président s'est fait voler. C'est la crise financière. Ouais. Que faire ? Pour revenir à ce que tu as dit, les chiffres comme ça, je trouve qu'il faut toujours les remettre aussi dans un certain contexte. Parce que ça a évolué peut-être de 9%, mais il faut savoir aussi que les transactions sur Internet augmentent énormément. Je ne sais pas si ça augmente, si ça a augmenté de autant en un an sur Internet, peut-être pas 9%, peut-être plus, peut-être moins. Oui, mais comme tu as dit, il ne faut pas forcément paniquer en voyant ces chiffres-là, quoi. Exactement. Il faut toujours prendre un peu de recul quand on lit ça. Moi, ça me fait un peu rire quand on voit des gens, ils lisent ça, ils font... Oh, ah, c'est pas vrai, 9%. C'est bon, j'arrête. C'est fini, je ne fais plus d'opérations bancaires sur Internet. Ouais. Non, comme t'as dit, faut les remettre en contexte et en perspective, prendre un petit peu de recul. Et en tout cas, on espère que vous prendrez du recul. Si vous voulez relire l'article du Journal du Dimanche dont on parle, n'oubliez pas que le lien est sur le site internet frenchpod.com. Et on vous dit à très bientôt pour la prochaine leçon Advanced Media. À bientôt. Au revoir tout le monde.